Bien, nous sommes de retour, nous avons chacun rempli notre petite mission, n'est-ce pas, Francis? Oui, ben ça va, ça fait dingue. Alors, vous deviez construire une tour Eiffel en fêta. Ouais, en on va inspecter ça tout de suite, d'ailleurs, et je peux me montrer ça? Ben, certes que j'ai trouvé le moyen habile de mettre des petites piques à fêta pour assembler les bouts de fêta. Oui, ça m'a pas l'air très réglementaire. J'aurais dit que j'en suis au troisième étage et que le restaurant ressemble déjà à l'original. En tout cas, ça donne faim, en voyant ça. Ah, je vois, oui. Et il manque les ascenseurs, là. Bah, justement, je laisse un petit peu sécher des bouts pour qu'ils soient plus durs. Comment est-ce qu'elles montent, les petites souris, au premier étage? Comment est-ce qu'elles montent? Et au troisième étage, comment est-ce qu'elles montent? Bah, allez, ça va, on considère que c'est bon. Et alors ça fait un travaux de plus, hein. Alors, personnellement, j'ai réussi à trouver une paire de lunettes d'éclipse pour notre ami le cyclope. Ah oui, je vois, c'est intéressant. Vous pouvez me les décrire, là, pour les auditeurs? Non, mais vous voyez par vous-même, hein, c'est une paire de lunettes d'éclipse comme il s'en est vendu pas mal. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu triché, hein. Nous en avions une dans notre engin spatial, hein, parce que nous en avons besoin pour voyager, tout simplement. Alors c'est vrai qu'il faudra que je ferme un œil pour le retour. Oh juge, on peut pas aller boire un coup au café d'Espa? Peut-être vérifier si Jean-Pierre Cul a bien réalisé sa feuille de chêne. Oui, allez, on va voir tout ça tout de suite. Et alors, où est-ce qu'on en est avec le Cyporex? Regarde, il y a Ron, il a le sourire maintenant. D'accord, ça semblait comment exactement cette feuille de vigne là? Bah j'ai parti des roubignoles, je suis remonté jusqu'à la bite. Là j'ai pris de la colle comme tout le monde et puis j'ai collé le truc quoi. Puis ça ressemble, y a rien de plus qui ressemble à une feuille de chêne. Une feuille comme ça quoi, le Cyporex là. D'accord. Bah, je t'ai foutu dessus, puis voilà, puis Ron il est content. T'es content Ron? Ouais. Bien alors Michel, vous pouvez en dire que ces quatre premiers travaux sont réglés, n'est-ce pas? Ouais, allez, on va au jardin des Hespérides. Allez, venez avec moi. On va pas au café d'Esparte? Bah, a priori non, hein, Jean-Pierre Cul. Nous vous suivons. Voilà, suivez-moi. Ah bah dites donc. Ah c'est joli, hein? Ah oui, c'est plutôt joli, je l'ai cru peut-être pour les auditeurs. Oh, nous sommes dans... C'est de l'entretien. Dans un grand jardin, avec des pommiers, mais des pommiers pas n'importe quel pommier, puisqu'il y pousse des pommes d'or. Écoutez, on m'en avait parlé, mais alors, je n'imaginais pas une telle splendeur. Je passe le crotophile? Non, pas ici, quand même, les rosiers. Je crois que c'est de l'herbe, moi. Bah alors, on en vient tout de suite aux énièmes travaux, là, je compte plus. Enfin, j'ai ma liste, je coche au fur et à mesure. C'est les cinquièmes, hein. Ça serait bien que donc tu manges, c'est ton travaux à toi, que tu manges ces pommes et que tu en fasses des bronzes. Vous vous en sentez capable, monsieur Cul? Bah, vous faites les pommes mouillées, faire des lingots, c'est pas facile, quand même. Bah écoutez, nous allons voir le résultat. Allez-y, mangez-en une. Oh, pas bonne les pommes. Alors visiblement, ça ne passe pas très bien, c'est difficile à avaler, Jean-Pierre Cul. Oh, ça donne ma chiotte. Ah bah écoutez, en plus c'est instantané. Michel, monsieur Michel, devrait-il y couler du bronze? Bah écoutez, normalement, vu ses abdos qui sont quand même assez impressionnants, donc s'il actionne correctement ses abdos, il doit pouvoir nous faire des bronzes, même des sculptures. T'as pas des dragées fécousses? En tout cas, d'après ce que dit Maison et Jardin, c'est très chic d'avoir un rodin chez soi, donc c'est un peu pour ça que j'avais ajouté ce travaux à ma liste de travaux. Nous pouvons peut-être passer à la suite. Quel est le prochain travaux, là? Bien, alors, c'est pas compliqué, là. Donc Jean-Pierre, là, je vais être sympa sur ce coup. Il y a je vais te donner le choix entre deux travaux, donc il y a... arracher un poil du cul de cul à Spartacus, ça c'est le premier choix. Deuxième choix, ça serait de se battre en duel avec l'Hydre à 9 têtes. Je peux faire les deux, juge? Non. Bon je peux péter la gueule à l'Hydre. À l'Hydre? Oui. Amène-toi à l'Hydre. Très bien. Donc je précise que l'Hydre a 9 têtes à la tronche de la Rousseau. Donc il va un petit peu péter la gueule à la Rousseau, là, si j'ai bien compris. Hein. 9 fois à la Rousseau. Bah, je vais péter les gueules à la Rousseau, moi! À 9 têtes à la Rousseau, 9 têtes que je vais péter. Ah, alors c'est cette chose là que nous voyons là en ce moment, c'est ce qui arrive devant nous là. Si ça vous fait pas de problème, on va se protéger un petit peu, hein, avec Francis. Oui, on va aller un petit peu plus loin. Je vous laisse faire, cher Pierre Cul, dites donc, il est assez courageux, hein, quand même. C'est un sacré bonhomme. Bah, peut-être pas la Rousseau, moi je peux te la bouille à la Rousseau. Et la Rousseau, je dois péter les têtes. Tu vas traiter de pédé? Oui, pédé. Tu vas traiter de pédé là, enfant. Je vais t'en péter les gueules, moi. Alors, si je suis pédé, je vais te mettre une culture à la couille. La Rousseau. Bien, bah alors comment ça s'est passé ce combat? Nous étions de loin, mais alors nous avons vu le travail. Oh là là, hein. là, quel bon boulot! Ouais, mais bon, c'est pas bon parce que j'ai mal au pied quand même. Hein. Alors ça va être les pommes, hein, très certainement. Hein, mais... Ah, les pommes, vaste question. T'as pas une partie de vie. Bien, alors peut-être que vous auriez quelque chose à nous faire pendant qu'il se soulage un petit peu. Oui, bah, c'est rapport à Ulysse 31 là, qui m'a appelé depuis son vaisseau. Il faudrait changer la carte mère de Nono, le petit robot, qui a un petit problème actuellement. Ah, bah écoutez... Ça, la rigueur, on va s'en occuper. Oui, ça doit pas être compliqué, ça, oh, Francis. Non. Bon, il pourrait aborder un vaste débat sur la normalité, mais c'est vrai que... Moi, je ne veux pas trop l'aborder, mais c'est vrai que son robot a tendance à devenir un peu pédé. C'est ce que nous allons voir pendant le disque qui va suivre. Nous vous laissons et nous avons cherché une carte mère. Alors, Francis, est-ce qu'on peut une carte mère?